travailler pour gagner plus, et toujours plus pour avoir plus, et pour payer plus d'impossible. Et je vais vous dire une chose, je m'engage moi et je l'impose, et que cette vie là est la mienne, je suis là pour vous diriger. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour tous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour vous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour tous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour vous. De moi en plus, tous les jours un voyage en plus, une vie de rêve dans mon palace, et je mange à ma guise des glaces. Je vous promets toujours plus, mais il me faut du temps en plus, car je dois sauver notre France et un peu tout le monde en plus. Oh, je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour tous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour vous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour tous. Je suis votre chef et je joue aux échecs, un chef pour vous. Vous aurez moins d'impôts, oui, oui, oui, oui. Vous aurez une bonne vie, si, si, mais travaillez encore plus. J'ai une vie de star maintenant, je passe à la télé souvent. Je vais là où me porte le vent, afin d'aller de l'avant. Thank you.